De Canal B sur antenne du 94 MHz, c'est l'asile le plus sûr qui démarre à partir de 21h30 et des poussières jusqu'à 23h comme toutes les semaines et même l'été, et l'émission aussi est disponible avec un certain retard, je dois dire, à partir du blog asile35.blogspot.fr. On attaque la sélection de cette semaine avec une disparition qu'on a appris le week-end dernier. Monsieur Kylan Philippe Coran, ex-fondateur de l'AACM de Chicago, trompettiste, également joueur de piano à pouce électrifié, notamment au sein du Sun Ra Orchestra, s'en est allé. Donc il est décédé le 28 juin. Il devait avoir un âge assez canonique. Il allait sur ses 90 ans, si je ne m'abuse. Et M. Philippe Coran, bon, on l'avait découvert il y a de ça une foultitude d'années en arrière, à l'occasion d'un disque qui était sorti sur le label Aestuarium, quelque chose comme ça. Ça s'appelait On the Beach, Philippe Coran and His Artistic Heritage Ensemble, des sessions de 1968, des sessions à peu près à l'époque où il faisait partie de cette fameuse ligue, l'AACM de Chicago, un grand collectif artistique et aussi d'enseignement pour la communauté noire de Chicago, qui avait compté pas loin de 1500 membres. Et puis le Philippe Coran Artistic Heritage Ensemble gagnait sa croûte en faisant des jams assez furieuses le week-end, les vendredis, samedis et dimanches, et notamment du côté des plages, d'où le nom On the Beach. Et il retrouvait dans cet orchestre pas mal de gens qui se sont illustrés par la suite, notamment des membres de Earth, Wind and Fire, qui ont dû pas mal copier le côté afro de la ACM pour leurs frasques à partir des années 70. Et également le guitariste Pete Causey, qui s'est illustré notamment aux côtés de Miles Davis entre 1973 et 1975. Et on écoute, bah, comme de juste, un extrait du disque qui nous avait fait découvrir ce monsieur. Donc le disque On the Beach par Philippe Coran and His Artistic Heritage Ensemble. On écoute le morceau Unity. Mm-hmm. Thank you. Ça, c'était pour le côté festif de l'Asile le plus sûr. On a démarré avec Philippe Coran, Anis Artistic Heritage Ensemble, et son leader, donc, qui nous a quitté le week-end dernier, monsieur Philippe Coran, ou encore appelé Philippe Kilan Phil Coran. Et bah, ce monsieur était un peu l'instigateur et l'une des influences de la ACM à ses débuts, lui qui avait contribué à créer ce collectif au milieu des années 60. Il avait rejoint l'orchestra de Sun Ra à la fin des années 50. C'est aussi quelqu'un qui a inventé un instrument assez étonnant, le francophone, aussi appelé la harpe de l'espace, donc une version modifiée de la kalimba africaine électrifiée qui a contribué notamment à faire connaître Maurice White de Earth, Wind & Fire, de même que l'orchestra aussi qui avait mis à l'honneur cet instrument qu'il avait inventé. Et on entendait donc un disque qui avait été enregistré en 1967 sous le titre On the Beach, qui était paru à l'époque sur son propre label Zulu Records. Quasiment tout son label Zulu d'ailleurs a été réédité ces dernières années. Alors il n'y a pas Bezef, j'allais dire, il n'y a pas des quantités de pièces de Philippe Coran. Il a surtout été actif dans les enregistrements à partir de la fin des années 60, entre 67 et on va dire le début ou le milieu des années 70. Après, on a carrément plus entendu parler de lui. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui a été redécouvert sur le tard, notamment à la fin des années 90 et dans les années 2000 par le label Aestuarium Records, qui a réédité la plupart de ses frasques à la fois en CD et en vinyle, notamment ce disque-ci, ainsi que le Malcolm X Memorial, pour ne citer que ces deux-là. Et on a enchaîné la musique de feu Phil Coran avec Praed et ce fameux disque The Fabrication of Silver Dreams. Praed de Bokeh, la rencontre entre le Suisse Praed Konka, qu'on connaît notamment au sein de la formation plutôt prog Rock in Opposition Blast, et qui est aux côtés pour ce projet de Raed Yassid du Atrio et autres Malayine, donc le musicien de Beyrouth. Et je vous avais déjà proposé ce disque à l'époque de sa sortie, c'était au début de l'année 2016, c'était une publication du label d'ailleurs, du propre label de ces musiciens libanais autour de Malayine, Ani Aya Records, et ça vient tout juste d'être réédité à la fin du mois de juin par les bons soins du label britannique Discrépante, qui dit pas mal ces gens-là. Et on entendait le Stone Crocodiles, qui était un clin d'œil à monsieur Léo, voilà, qui s'inquiète pour la garde de son crocodile cet été. Petite private joke et un clin d'œil à ce camarade. Et on va enchaîner avec tout autre chose, et cette fois-ci House and Land, qui est un nouveau projet mené par deux musiciennes qu'on a rencontrées ces dernières années, notamment la guitariste Sarah Louise Hanson, qu'on avait pu découvrir avec un très beau disque aux éditions VDSQ, qui était sorti il y a de ça 2 ans, je crois. Et elle est aux côtés de Sally Ann Morgan, qui est une collaboratrice occasionnelle des Black Twig Pickers de Mike Gangloff. Et toutes deux, elles forment donc ce projet qui vient de publier un disque éponyme aux édition Street Jockey, le label de Chicago, et c'est plutôt très très bon dans le registre assez référencé musique folk des Appalaches, avec beaucoup de micro-tonalités et de drones joués sur leurs instruments à cordes de type banjo, fiddle et autres guitares 12 cordes, sans compter bien évidemment le bouzouki et autres shruti box. Et je propose d'écouter un titre, un des nombreux titres qui sont vraiment très très bons de ce disque éponyme. On écoute le Home Over Yonder de House and Land. Mm-hmm. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, on a démarré avec le projet folk et surtout très centré sur les musiques des Appalaches, House and Land, un disque qui vient tout juste de voir le jour aux éditions Street Jockey de mesdames Sarah-Louise et Sally-Anne Morgan. Très beau disque, voilà, très dans le mood de l'Americana, qui était enchaîné avec Bill Orcutt, autre chantre de l'Americana d'une autre manière, lui qui fut notamment le troublionesque guitariste de Harry Pussy pendant un bon paquet d'années et qui depuis fait cavalier seul, quoique assez peuplé à l'intérieur et aussi très très bien accompagné. Je pense notamment à pas mal de projets aux côtés de Thurston Moore, de John Molonet, de Richard Bishop, Sir Richard Bishop, ou encore de Chris Corsano, pour ne citer que cela. Et régulièrement ces dernières années, ils se font aussi de disques en solo, principalement sur son propre label comme celui-ci, Pali Lalia Records, un disque éponyme qui vient tout juste de voir le jour, qui est vraiment magnifique, de Bill Orcutt, très très dépouillé, avec essentiellement des reprises, notamment une reprise assez surprenante de Lonely Woman de Ornette Coleman, bien évidemment, qui est assez difficilement reconnaissable, de même que le Star Spangled Banner qu'il détricote à sa façon, et puis pas mal d'autres choses, pas mal de thèmes américains de la grande tradition, tels que Old Man River, également des chansons autour de Christmas, comme ce Christmas on Earth qu'on entendait. Et bon, Bill Orcutt, c'est un peu l'un des rares guitaristes que j'arrive à écouter, moi qui ne suis pas forcément un forcené de cet instrument, mais c'est vrai que Bill Orcutt est vraiment dans une grande tradition entre Derek Bailey et Otomo Yoshide, pour ne citer que ces deux-là, et pour faire simple. Et sur ce disque, on retrouve son phrasé qui est toujours très très différent du jeu des guitaristes habituels. Je pense plutôt à un jeu de saxophone ou de saxophoniste. C'est aussi un peu ce que voulait reproduire d'ailleurs Jimi Hendrix à son époque, donc sorte d'improvisation libre et de manière de déjouer les thèmes américains avec un certain brio. Et le disque est très très dépouillé, uniquement guitare, pas du tout de voix. C'est vrai qu'il a une voix aussi assez surprenante, monsieur Bill Orcutt. Et bon, c'est peut-être son disque le plus classique, on pourrait dire. Les autres sont beaucoup plus zébrés et beaucoup plus hirsutes, mais tout aussi réjouissants. Donc les deux facettes de Bill Orcutt, l'improvisation assez sauvage, une manière de jouer les thèmes classiques dépouillés et totalement idiosyncrasiques. Et on va enchaîner avec un musicien qu'on n'avait pas entendu depuis pas mal d'années. Il s'agit du compositeur et aussi inventeur d'instruments électroniques primitifs Raymond Scott, qu'on avait découvert principalement au début des années 2000, notamment grâce aux éditions Basta Records, le fameux label hollandais qu'il avait mis à l'honneur avec une série de disques et notamment un très beau coffret, une très belle anthologie qui était sorti en double CD, ça a dû être édité en triple ou quadruple vinyle, je ne sais plus depuis, avec un livret assez incroyable qui retrace et qui retraçait un peu tout son parcours à cet homme-là qui était un compositeur, également acteur d'ailleurs, très très actif à partir des années 30. Il avait une éducation assez classique, conservatoire, ce genre de choses, et puis il a commencé à former pas mal d'orchestres de jazz un peu Dixieland et aussi de musique autour du cinéma, pas mal de disques dans ce format un peu jazz. D'ailleurs, ces thèmes ont été repris beaucoup ces dernières années, notamment par John Zorn. Et parallèlement à ça, Monsieur Raymond Scott était aussi un ingénieur électronique de formation et il avait créé son laboratoire audio à partir de l'après-guerre, commencé à inventer des instruments, des proto-synthétiseurs, donc à bricoler des circuits dans tous les sens et à inventer des instruments tels que le clavivox, l'électronium et autres, tout ça de manière très très pionnière, puisqu'il a démarré à la fin des années 50 et jusqu'à la fin des années 60. Il s'est beaucoup consacré à ça. Je crois qu'il avait une maison carrément remplie de ses instruments et dans laquelle il avait fait son studio. Donc il y avait une première anthologie qui était sortie sous le titre Manhattan Research Incorporated, et puis également 2-3 disques qui étaient assez fantastiques sous le nom de Soothing Sounds for Baby, volume 1, 2 and 3, qui étaient des musiques qu'il avait créées en 1962, des musiques là pour le coup vraiment de travail de fréquence pour le bien-être des nourrissons. Et Raymond Scott a continué aussi en parallèle à enregistrer quantité de choses, et notamment pas mal de génériques de pub aussi, autant pour Coca-Cola que pour la General Electric ou les compagnies de gaz aux États-Unis. Ça avait pas mal donné lieu à des pièces sur cette première anthologie Manhattan Research, qui est maintenant doublée d'une nouvelle compilation sous le nom Three Pillow Park Electronic Music from Inner Space 1961-1971, toujours aux éditions Basta Records. Et comme la première, ça a été compilé par les bons soins du disc-jockey de la radio WFMU du New Jersey, Irwin Shuzid, qui s'est beaucoup consacré à la défense et à l'illustration de la musique et de l'art de Raymond Scott. Je crois qu'elle a écrit d'ailleurs des ouvrages autour de ce monsieur. Et comme toujours, donc, c'est une très très belle anthologie pour rentrer dans l'électronique primitive, avec des côtés un peu recherche et puis aussi des côtés un peu mélodie à l'ancienne. On va écouter une petite série de titres de Raymond Scott. Alors il y a une soixantaine de pièces au bas mot sur ce triple vinyle qui vient de sortir aux éditions Basta. Petite série, elle est de 5-6 morceaux puisque ce sont plutôt des miniatures. On écoute la musique de Raymond Scott. This is a sound. You are about to hear a demonstration of some of the instrumental possibilities of the Raymond Scott Clavivox. This tape contains excerpts from the sounds of three great recording groups, first as originally recorded, and then with the Clavivox superimposed. Consult your take sheet for identifications. Thank you. Listen to the sound of money being wasted. Thank you. Une petite séquence de musique électronique primitive comme on les aime dans l'Asile le plus sûr qui a démarré avec le Raymond Scott et toute sa ménagerie avec un extrait de ce nouveau florilège qui s'intitule The Three Willow Park Electronic Music from Inner Space 1961-1971. Donc une musique vraiment très pionnière dans l'électronique, j'allais dire primitive, mais pas tant que ça, puisqu'on y retrouve quasiment tout ce qui a pu faire les musiques électroniques jusqu'à aujourd'hui, avec pas mal de loops, de boucles et aussi de traitements, de déphasage et pas mal d'inventivité des musiques qui je pense ont été surtout entendues aux États-Unis de l'autre côté de l'Atlantique, donc à l'époque notamment un peu dans ce qui a fait les débuts de la radio ou de la télévision moderne avec pas mal d'effets sonores électroniques pour des jingles radio, des jingles pub, ce genre de choses. Sa musique a été redécouverte bien plus tard, bien évidemment la musique de Raymond Scott, et si vous intéressez au monsieur, je ne peux que vous conseiller aussi ses disques de musique jazz avec des compositions très très étonnantes. Et sa musique a aussi beaucoup servi pour les cartoons de la Warner, je pense notamment aux fabuleuses aventures de Mister Magoo et ce genre de choses. Voilà, toutes ces musiques qu'il enregistrait à l'époque sur ses différents instruments aux noms assez incroyables tels que le Karloff, le Bandito, The Bongo, l'Electronium, le Bassline Generator, le Clavivox et autres Circle Machine. Et si vous avez l'occasion aussi de voir des photos de l'époque de ces studios de Manhattan, c'est vraiment très très impressionnant, toute cette débauche de câbles, d'armoires entières, de boui-boui électronique. Et Raymond Scott, il a une vie très très remplie puisqu'il est décédé dans les années 90, donc il a eu l'occasion de pas mal essaimer dans les jeunes générations. Et on a enchaîné avec la musique d'une compositrice qui est pas mal à l'honneur aussi ces dernières années. Il s'agit de sa compatriote, l'américaine Suzanne Ciani, qui elle a commencé principalement dans les années 70. Elle s'est faite connaître notamment à l'université Berkeley de Californie à partir du début des années 70. Elle a été aussi l'une des pionnières des musiques électroniques, notamment assistée par ordinateur aux côtés de Max Matthews à l'université Stanford, et puis aussi pas mal de musique sur synthé du fameux Mr. Don Buchla. Elle s'est faite l'interprète du synthé analogique modulaire de Don Buchla, qui est un poil moins connu que le Moog, mais tout aussi important dans les musiques électroniques des années 60 et 70. Et Suzanne Ciani, elle est vraiment à l'honneur ces dernières années avec une redécouverte de ses musiques qu'elle avait enregistrées dans les années 70. Je pense notamment à des enregistrements en concert de 1975 qui étaient sortis l'an dernier, ou encore à un très beau duo aux côtés de Kathleen Aurelia Smith quand vous avez passé dans ce même programme. Et là il s'agissait d'un 45 tours publié de manière assez confidentielle pour le Record Store Day par les éditions Finder Keepers Records de Londres. Et ça va être édité de manière un peu plus large plus tard, je crois que c'est prévu d'ici la fin de l'année, ce 45 tours de Suzanne Ciani sous sous le titre Fish Music, avec une très très belle photo d'illustration. On a l'impression qu'elle a 14 ans, en train de manipuler ses différents câbles et ses magnétos à bande. Et cette musique avait été enregistrée en 1977 pour apparemment un magasin géant qui vendait des aquariums, et donc ça servait d'illustration sonore, ce thème Fish Music, aux transactions, on va dire, de ce magasin. Et bon, la musique est plutôt pas mal, pas si anecdotique que ça finalement, comme la plupart de ce que Suzanne Ciani a pu enregistrer. On va continuer avec une autre musicienne qui nous chatouille sacrément l'oreille depuis quelques années. Il s'agit de Bérangère Maximin, ou Maximine, qu'on avait découverte à l'occasion d'un disque qui était sorti chez Tzadik, son premier enregistrement. Elle avait rempilé avec un certain nombre de disques, notamment aux éditions Sub Rosa, et vient de sortir, alors je ne sais pas, ça doit être son cinquième ou sixième album long à ce jour. Peut-être que j'exagère un tantinet, non, ce n'est que le cinquième, voilà, après vérification. Donc tout nouvel album de Miss Bérangère Maximin sous le titre Frozen Refrain, et c'est sorti aux éditions Atlas Realization, et c'est une production de monsieur Craig Leon, qui est un américain très très important, producteur notamment des Talking Heads et autres Ramones, et qui s'est illustré aussi par des disques de musique électronique vraiment incroyable à la fin des années 70, début des années 80, qui ont été réédités ces dernières années. Et Craig Leon donc est toujours en activité, a produit ce disque de Bérangère Maximin. Donc je ne sais pas trop quel titre vous passez, à vrai dire, de ce disque de Bérangère. On va écouter peut-être Les Boucles Rebelles, parce que le titre me plaît beaucoup et ça correspond pas mal au personnage de Bérangère Maximin. On écoute un extrait donc de ce tout nouvel album Frozen Refrain. Vas-y, vas-y. Merde. Attention, la transition arrive, on essaye quand même. Attends, là, il y a les boucles qui se décalent. Attends. Tiens-le. On y va. On bouge pas. Coupé. Allez, voyons la suite. J'en écoute quoi. champ bobine là. Voilà. séquence pour le voyage sur l'antenne du 94 MHz qui a démarré avec le tout nouvel opus de Miss Bérangère Maximin. Excellent nouvel album qui s'intitule Frozen Refrain, publié par Atlas Realization. Ça vient tout juste de sortir. Et Bérangère Maximin, qu'on n'a pas vu à Rennes depuis. Petit paquet d'années, hein. Je crois que c'était à l'automne 2011 le concert dont elle nous avait gratifié au café La Bascule, et depuis elle n'est pas revenue sous nos contrées. Alors peut-être que si les gens du festival maintenant nous écoutent, qui pouvaient programmer Miss Bérangère Maximin par exemple l'année prochaine, ce serait plutôt sympathique. Et on a enchaîné avec la musique du duo entre Monsieur Yair Elazar Glotman et Mats Erlandsson. Yair Elazar Glotman, qu'on connaît principalement pour un petit paquet de disques. C'est vrai qu'il est très très actif, ce monsieur. On l'a découvert notamment pour un disque qu'il avait sorti entièrement contrebasse sous son propre nom aux éditions Subtext il y a de ça quelques années. Et en parallèle de ça, il a aussi une carrière dans une sorte de musique post-techno très très expérimentale avec beaucoup de textures sous le nom de Ketev, avec quantité de disques qui sont sortis. Il a aussi d'autres alias, donc vraiment quelqu'un de très très prolifique, et toujours des disques assez exceptionnels à l'image de cette rencontre en compagnie du plasticien sonore suédois Mats Erlandsson, qu'on connaît un poil moins, mais qui a sorti des disques aux éditions Poche Isolation. Et ce tout nouvel opus en duo est à l'initiative de l'excellent label Miasma Records. Ça s'intitule Negative Chambers, donc plutôt des travaux de texture, tout autant de cordes, je pense au violoncelle, à différents guitares, sitars, mais aussi des bols tibétains, des transistors radio, également des cordes de piano et de l'harmonium, et tout ça soutenu par les harmoniques aussi de la contrebasse de Yair Elazar Glotman. Donc un disque assez inattendu, plutôt on va dire une sorte d'ambiance assez proche d'un certain classicisme entre ces deux Olibrius. En tout cas un disque vraiment très réussi, dans un côté un peu post-classique ambiante, aux éditions Miasma Records. On va continuer avec un trio de jazz contemporain, mais qui est aussi une sorte de musique qui est tournée vers l'ailleurs, et notamment l'Asie. Et c'est assez normal puisque ça a été enregistré au Japon par ces trois musiciens. Le fameux trompettiste et inventeur d'instruments, facteur de trompette et de différentes flûtes en bambou, Hitaru Oki, qui a démarré sa carrière à la fin des années 60 et aussi a sorti pas mal de jazz contemporain free dans les années 70, et qui s'est établi à Paris à partir des années 80. Il y réside toujours d'ailleurs, plutôt dans une sorte de cercle dans le réseau par exemple de monsieur Alan Silva, et on le retrouve aux côtés de deux musiciens totalement inconnus au bataillon, en tout cas en ce qui me concerne: Choi Soon Bay à la trompette et Nobuyoshi Ino est à la contrebasse. Il s'agit d'une session enregistrée dans un café au milieu des années 90 au Japon, le café Amores à Yamaguchi, et le disque vient tout juste de voir le jour aux éditions lituanaises, voilà, c'est plutôt ça qu'on dit, No Business Records. Donc c'est un CD qui vient de sortir de ces trois musiciens. On va écouter une pièce, elles sont toutes assez longues, donc j'ai choisi peut-être celle qui est un poil plus courte de ce disque Camille Fouzen. Et on va écouter le titre d'ailleurs éponyme, celui qui donne son nom à cet album. On écoute ça tout de suite. Thank you. De spiritual jazz, ça ne peut pas faire de mal dans ce monde de brut avec le trio Itaro Ki, Nobuyoshi Ino et Choitsu Bei avec le disque Kami Fusen sorti par l'excellent label de Vilnius No Business Records dans sa Chap Chap Series qui est une série dédiée aux archives du siècle dernier à l'image de ce concert enregistré donc au Japon par ces trois loustiques en 1996. Voilà, et l'émission L'Asile de plus sûr est quasi terminée. Le temps de vous rappeler qu'elle est également écoutable, podcastable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. On se quitte dans un instant, le temps de laisser la place aux camarades de Zion Highway avec un dernier morceau, le fameux titre qui ponctue parfois la fin de l'asile, Zazou sur la piste de Vidéo Aventure, les mêmes qui sont à l'origine du générique introductif de ce même programme. Je vous souhaite une excellente nuit, une très très belle semaine. À bientôt.

take number 12. Treizième voix. Sounds. Son. Of a dream. D'un rêve. Kiss. Embrassant. Thank you. Atari Corporate Tag. Second voice, son sound de chaleur, of heat. Thank you. Third voice. Troisième voix. Sound of cold. Son du froid. Quatrième voix. Fourth voice. Son sound mouillé of wetness.